Tout de suite, c'est Raymond Poirier qui est avec nous pour la chronique Technologie d'information. Raymond Poirier qui est chargé de communication à Litis. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Alors aujourd'hui, un autre rapport qui est sorti sur le Big Data et la vie privée. Exactement. On reste dans le sujet des données massives. Il faut dire, j'ai l'impression que ça va être un sujet qui risque de dominer un brin au fil du mois d'octobre. Beaucoup d'informations intéressantes. Mais écoute, je pense qu'on en parlait aussi là 9 mois. Oui. Et souvent, quand on en parlait, tu me lançais la question à la fin de la chronique. Tu me disais, oui, mais la vie privée. Oui, mais la confidentialité. Eh bien, t'étais visiblement pas toute seule à se poser cette question-là. Ben non. Le Parlement européen aussi se la posait, donc t'es en bonne compagnie. Et essentiellement, il a décidé de commander un rapport pour savoir ce qu'il en est un peu justement sur les questions de vie privée et qu'est-ce qui devrait être fait peut-être pour renforcer en lien avec cette préoccupation-là. Bon, évidemment, petit rappel dans tout ça, là, quand on parle du big data, des données massives, donc c'est le flot perpétuel d'informations qui est émis un peu partout, un flot d'informations à travers les médias sociaux, à travers le web, à travers plein d'outils qui émettent des données, qui transfèrent des données ça et là, et qui sont utilisés soit de manière volontaire ou fait personnelle, donc où on fait de l'analyse, soit à travers justement des algorithmes qui, eux, font de l'analyse et qui sont partagés donc entre individus, mais également entre objets, parce qu'il y a aussi l'Internet des objets. On s'en vient là-dedans, on est déjà quand même pas mal aussi là-dedans à certains égards. Donc, il y a toute cette machine-là qui existe, qui est autour de nous. Et présentement, évidemment, on nous dit, ben regardez, les données massives, c'est le pétrole de l'avenir, c'est vraiment un moteur économique qui sera important. Mais à chaque fois qu'on en parle, il y a toujours ce petit drapeau-là. Oui, mais les droits digitaux. Oui, mais les droits d'auteur. À qui appartiennent les données? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là? Surtout dans un contexte où de plus en plus, ben, on va pouvoir sortir l'humain de l'équation d'analyse pour simplement aller avec les probabilités au terme des analyses qu'on va avoir faites. Donc, on va être accessoire là-dedans. Un peu. Ben, on va fournir les données. On va être producteur. On va les analyser, mais disons, l'étape entre les deux va être faite par l'algorithme. Ouais. Et c'est un peu le défi parce que de toute façon, c'est tellement énorme qu'à un moment donné, il faut justement cibler les algorithmes, les bonnes questions pour creuser à l'intérieur de ça. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, on se pose la question d'abord sur la nature des données massives. À chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression que il y a aussi la notion d'opacité qui demeure. Ça reste très théorique. C'est énorme, c'est omniscient presque, mais c'est très théorique aussi, les données massives. Rapport fait mention, eux, d'opacité, justement, ce terme-là. Donc, les gens ne savent pas exactement quelles données sont colligées à leur sujet, quelles données sont colligées dans ce que eux émettent également, et de quelle manière c'est utilisé. Donc, il y a un gros, gros flou, évidemment, autour de tout ça. Et un flou qui, pour l'instant, persiste et qui, si on ne fait rien, risque de persister au fur et à mesure où on va accentuer l'usage des données massives. Donc, il y a cette donnée-là. Parallèlement, on est conscient, évidemment, qu'on émet des données. Si, par exemple, j'utilise Twitter sur mon téléphone intelligent, ben, je peux faire le choix de désactiver la localisation. Je peux le faire aussi sur Facebook, quand il n'est pas en panne. Et, évidemment, donc, ça me permet de ne pas émettre certaines données. Donc ça, je peux faire un geste là-dessus, mais on le disait tantôt, il y a certaines données où l'être humain n'entre pas particulièrement en ligne de compte. Quand on parle d'Internet des objets, c'est de machine à machine. Là, dans le fond, qu'est-ce qui est émis, qu'est-ce qui n'est pas émis, ben, c'est pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde qui vont prendre cette décision-là. Ouais. Alors, ça rentre aussi dans la dynamique d'opacité dont il faisait mention. Et parallèlement, ils disent que ce sentiment-là, au fil des états des lieux qu'on a fait au fil des dernières années, en lien avec les données massives, eh ben, a été un peu accentué aussi par le fait que il y a quand même peu d'attention qui a été placé en matière de défis légaux, de défis sociaux en lien avec la vie privée des données personnelles. Donc, c'est vraiment plus l'économie et la valeur économique de ces données-là qui a dominé la réflexion, qui a dominé les discussions. C'est de ça qu'on parlait surtout, combien? Combien? Le fameux combien. Exactement. Alors, à partir de là, ben, on y va avec une analyse pour essayer de voir ben qu'est-ce qui pourrait être fait de manière différente. Donc première chose, ben ce qu'on dit c'est que si on demande du côté de la Commission européenne une économie qui va être data driven comme on dit en anglais, donc menée à travers les données, ben il faut aussi essayer de mettre en place des infrastructures de sécurité et de protection des données qui vont être équivalentes à la force qu'on veut lui mettre. Donc ça peut pas être un enjeu, ça doit être une priorité au même titre que les données elles-mêmes. Finalement. Ce qu'on dit également, c'est que si on essaie de développer une valeur économique à ces données-là, ben la valeur économique pourra pas prendre état si les ramifications légales n'ont pas été réglées avant. Ouais, parce qu'il y a, toujours la valeur. Par exemple, plus une donnée peut être privée, plus ça peut valoir cher. C'est une information, là, c'est un principe de base. Donc, si on se dit, bon, ben, je sais pas comment on va classer ça, mais par exemple, où on est quand on tweet ou quand on Facebook, ça peut valoir X, mais si je vais voir sur mon accédé, ben, ça peut valoir plus, mais je pense que, ben, il y a quand même une sécurité envers ces données-là. Elles sont pas envoyées, mais, ben, ça se paye. Oui, puis la sous-question, c'est de savoir aussi c'est à qui. Dans le fond, une fois que j'ai mis la donnée dans la sphère publique, est-ce que c'est une donnée qui est publique? Est-ce que si je mets ma localisation sur Twitter, ça appartient à Twitter? Ou est-ce que ça m'appartient à moi? C'est un peu bizarre, par exemple, de se dire « cette donnée-là m'appartient, mais je l'ai produite ». Oui. Mon Dieu. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que présentement, en fait, eux ont fait l'analyse qu'il y a des lois qui existent qui donnent une certaine protection sur la valeur des données personnelles. Donc, ça existe. C'est une protection qui est là, qui est présente. Pour ceux qui veulent le vérifier, c'est la directive 9546 EC. En anglais, c'est le Data Protection Directive. Et donc, dans le fond, ça existe. Il y a une protection. Mais, par contre, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est protégé. Également. Donc, on parle d'information qui est personnelle. Mais qu'est-ce que c'est de l'information personnelle? À quel moment l'information devient-elle personnelle? Y a-t-il suffisamment d'éléments d'indices qui me permettent de dire que l'information que je génère sur le web, c'est une information qui est personnelle? Et de quelle manière je suis capable de légiférer pour démontrer que c'est une information personnelle ou pour sinon ajouter les garanties suffisantes pour que ça en devienne une? Écoute, tu parlais d'un flou tout à l'heure. J'ai l'impression que plus tu nous donnes des points de ce rapport, plus on s'enlise dans le flou. Oh oui! Parce que à savoir qu'est-ce qui est personnel, je peux aller à un endroit. Si je tweet, on dirait que la pharmacie, c'est personnel. Je suis à la pharmacie, mais ça n'a peut-être pas de lien non plus. Oui, mais comme tu le tweets publiquement. En fait, c'est, mon Dieu! Après ça, il y a la notion des pseudonymes, il y a la notion de l'anonymat. En fait, il y a une partie des données qu'on émet qui sont sous notre nom. C'est peut-être un peu plus facile de dire c'est moi qui l'ai mis, regardez, c'est mon nom puis ma photo. Mais il y a d'autres données qui est transmise par l'État dans des données publiques, par exemple, dans des données ouvertes, qui est anonymisée, ça reste quand même des données qui ont été générées par ma société, desquelles je fais partie anonymement. Est-ce que, encore là, j'ai un droit de regard sur l'impact qu'il peut avoir? Ou sinon, si on croise des données anonymes avec des données personnelles pour faire des conclusions sur moi, est-ce que là, il y a une part de personnel et non personnel qui vient en ligne de compte. Donc, c'est quand même, je pense que les gens me suivent présentement dans l'auto ou à la maison, ils se disent, mon Dieu, où on en est? Je comprends plus vraiment. Et en même temps, c'est peut-être un peu ça le problème, justement. Mais je pense que ça finit un peu toujours comme ça à chaque fois qu'on essaie de soulever ce qu'on va faire avec les big data. Mais j'ai des recommandations. Oh! Pour nous en sortir, comment nous en sortir? Alors, ils ont fait exactement 4 recommandations pour régler ce problème-là. Bon, quelles sont-elles? Je veux dire, conclusion heureuse. Bon, quand même. Enfin, on va peut-être pouvoir ne pas penser à ça avant de se coucher. Alors, on l'a dit tantôt, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut faire un cadre, une approche précise pour assurer que le modèle économique numérique qui est développé va bénéficier à la fois la vie privée, le secteur privé, le secteur de la personnel, dans le fond, et le public secteur, donc les consommateurs, autant que les citoyens. Donc, on ne peut pas créer un modèle pour les consommateurs, il faut créer un modèle pour les consommateurs autant que pour les citoyens, donc dans nos différents, entre guillemets, rôles sociaux. Donc, ce qu'on dit, c'est que la première recommandation, il faut absolument, dans le développement de ça, garantir les droits numériques des citoyens et que cette garantie-là soit à la base, à la racine de la chaîne de production. Donc, on ne peut pas engendrer et donner une valeur aux données massives tant que, selon eux, ce défi-là n'est pas réglé. Donc, garantir des droits fondamentaux. Des droits fondamentaux qui vont forcer, dans le fond aussi, la mise en place de certaines approches pour garantir, finalement, le respect de la vie privée. Donc ça, c'est la première recommandation. La deuxième, on dit, il faut évidemment aussi, quand on va développer des politiques en lien avec l'utilisation des données massives, des politiques qui vont être quand même étatiques, voire un peu plus, eh bien, il faut disons, systématiquement intégrer les questions sur l'impact que l'utilisation de ces données-là va avoir sur les droits fondamentaux. Donc, la définition de vie privée et de protection des données amène des obligations. Donc, il faut bien définir ce qu'est vie privée, ce qu'est données, ce qu'est données privées, et bien définir les obligations que les usagers des données vont avoir face à ces obligations-là. La troisième recommandation, c'est qu'il faut fournir, dans le fond, aux individus une protection complète, une protection effective, si je reprends leur terme de ce rapport, je rappelle, du Parlement européen, face au développement économique en lien avec les données massives, en lien avec les objets intelligents, en lien avec l'Internet des objets. Donc, il faut essayer de prévoir pour ce qu'on a présentement, mais il faut aussi essayer d'anticiper ce qu'il va être développé. Donc, de quelle manière ça va évoluer et de quelle manière on peut éviter d'exclure, si on peut, certains jeux de data qui éventuellement pourraient en venir à causer problème. Donc, cette dynamique-là, donc vraiment une approche sur le long terme. Et enfin, dernier point, quatrième recommandation, eh bien, c'est qu'il faudra qu'il y ait des révisions régulières de cette politique-là aussi pour la garder à jour face aux nouvelles évolutions technologiques, parce que ça va quand même très vite. Il y a une limite à ce qu'on peut prévoir. Pour reprendre une formule que j'aime bien, il y a des choses qu'on sait pas pour l'instant, mais il y a d'autres choses qu'on va découvrir qu'on sait pas en cours de route. Alors, donc, il faut faire cette mise en place-là. Il faut faire des révisions régulières et avoir donc un scénario à très long terme, si on peut dire, là, de développement et de mise à jour de ces législations-là. Oui, parce que déjà là, ça fait quelques années qu'on est au courant et qu'on se demande ce qu'on va faire avec. Et déjà là, on n'arrive pas à savoir ce qu'on va faire avec ces données massives. Donc, il va falloir planifier bien comme il faut. Voilà. Bon, ben merci pour cet autre rapport. Peut-être qu'un jour, il y a des gens qui vont dire « Voilà ce qu'on fait avec les données massives et ce sera réglé. » Et la semaine prochaine, ce sera un peu plus léger. On va parler de la façon par laquelle on peut mettre les conditions météorologiques dans la 3D et les représenter de manière réaliste et efficacement. Ah, bon, mais ce sera un bon rendez-vous. Oui. Raymond, est-ce qu'on retrouve plus de détails sur le site de l'ITIS? Oui, itis.laval.ca et ce rapport-là aussi, je l'ai mis sur l'Observatoire francophone des TI, ofti.org. Alors, on retrouve ça partout et on te retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. Raymond Poirier, merci beaucoup.